Chapitre 10, dernière parole. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Victor Hugo, Les Châtiments. Sous la pression de la poigne toute puissante et des irrésistibles arguments que sont des coups de pied au cul bien appliqués, une promesse, un serment, avait été arrachée à presque tous les guerriers de Longeverne. La promesse de ne plus se battre avec les Vellerans. Le serment de ne plus détourner à l'avenir ni bouton, ni clou, ni planche, ni œufs, ni sous, au détriment du ménage. Seuls les Gibus et Gambettes, habitants des metteries éloignées du centre, avaient momentanément échappé à la sauce. Quant à Lebrac, plus têtu qu'une demi-douzaine de mules, il n'avait rien voulu avouer, ni sous la menace, ni sous la trique. Il n'avait rien promis, ni juré. Il était resté muet comme une carpe. C'est-à-dire qu'il n'avait pas proféré, durant la bastonnade furieuse qu'il reçut, de son humainement articulé. Mais par contre, il s'était copieusement rattrapé en beuglement, en rugissement, en hennissement, en hurlement, qui aurait pu rendre jaloux tous les animaux sauvages de la création. Et naturellement, tous les jeunes longevernois se couchèrent ce soir-là sans souper, ou bien eurent pour toute pitance, avec le morceau de pain sec, la permission d'aller boire un coup à l'arrosoir ou au bassin. Note de l'auteur. Quand j'étais enfant, chez presque tous les paysans, on mettait la provision d'eau dans des seilles de bois. On y puisait à l'aide d'un bassin de cuivre. Quand on avait soif, chacun pouvait aller boire au bassin. On leur défendit le lendemain de s'amuser avant la classe. On leur ordonna de rentrer immédiatement après 11 et 4 heures. Interdiction aussi de parler aux camarades. Recommandation au père Simon de donner des devoirs supplémentaires et des leçons et tout, de veiller à l'isolement, de punir dur et de doubler chaque fois qu'un audacieux oserait troubler le silence et enfreindre la défense générale donnée de concert par tous les chefs de famille. À 8h05, on les lâcha. Les Gibus, arrivant, voulurent interpeller Tintin, qui filait sous les yeux de son père. Tintin, les yeux rouges et les épaules renfoncées, qui eut en les entendant un regard affolé et se tut obstinément comme si le chat lui eût mangé la langue. Ils n'eurent pas plus de succès auprès de Boulot. Décidément, ça devenait grave. Tous les pères étaient sur le seuil de leur porte. Camus fut aussi muet que Tintin, et Lacrique eut un geste d'épaule qui en disait long, très long. Grand Gibus pensait se rattraper dans la cour de l'école, mais le père Simon ne leur permit pas d'y entrer. En arrêt devant la porte, il les parquait par deux dès leur arrivée avec défense d'ouvrir la bouche. Grand Gibus regretta amèrement de n'avoir pas suivi son impulsion première qui lui commandait d'accompagner Gambette dans ses recherches et d'avoir laissé à son frère le soin de les renseigner. On entra. Le maître, du haut de sa chaire, droit et sévère, sa règle d'ébène à la main, commença par flétrir en termes énergiques leur conduite sauvage de la veille, indigne de citoyens civilisés, vivant en république, dont la devise était « liberté, égalité, fraternité ». Il les compara ensuite aux êtres apparemment les plus horrifiques et les plus dégradés de la création. Aux apaches, aux anthropophages, aux ilotes antiques, aux singes de Sumatra et de l'Afrique équatoriale, aux tigres, aux loups, aux indigènes de Bornéo, aux bachibouzouks, aux barbares des temps jadis, et, c'était le plus grave, comme conclusion à ce discours, déclara qu'il ne tolérerait pas un mot, que le premier geste de communication qu'il surprendrait soit en classe, soit en récréation, vaudrait à son auteur 30 jours de retenue et 10 pages par soir d'histoire de France ou de géographie à copier et à réciter. Ce fut une classe morne pour tous. On n'entendait que le bruit crissant des plumes mordant rageusement le papier, quelques claquements de sabots, le frottement léger et étouffé des pupitres levées avec prudence, et quand venait l'heure des leçons, la voix rogue du père Simon et le récitatif hésitant et timide de l'interrogé. Les Gibus, pourtant, auraient bien voulu être fixés, car l'appréhension de la raclée, comme une épée de Damoclès, pendait toujours sur leur destin. À la fin, Grand Gibus, par l'intermédiaire de ses voisins et avec d'infinies précautions, fit passer à Lebrac un courbillé interrogateur. Lebrac, par le même truchement, réussit à lui répondre, à lui narrer en quelques phrases poignantes la situation et lui indiquer en quelques mots concis la conduite à tenir. Bacaillé au lit avec la fièvre, c'est démanié. Il a tout vendu la mèche. Tout le monde a été rossé. Défense de causer ou bien nouvelle danse. Serment de pas recommencer. Et on s'en fout. Les Vellerans repéreront tout. Recherchez le trésor quand même. Grand Gibus en savait assez. Il était inutile de s'exposer davantage. L'après-midi même, il fripait la classe et filait rejoindre Gambette, tandis que son frère l'excusait auprès du maître en disant que Narcisse, le domestique, s'étant fait mal au bras, son frère le remplaçait momentanément au travail du moulin. Le mardi et le mercredi furent comme le lundi, des jours mornes et studieux. Les leçons étaient sues imperturbablement et les devoirs soignés, fignolés et parachevés. On n'essaya pas d'enfreindre les ordres, c'était trop grave, on fit comme les chats, pattes douces, on eut l'air soumis. Tigibus, tous les jours, passait le même billet à Lebrac. Rien. Le vendredi, la surveillance un peu se relâcha. Ils étaient si sages et sans doute si bien corrigés, totalement guéris, et puis on apprit que Bacaillé s'était levé. La crainte de la justice et des dommages d'intérêt se dissipant avec la guérison du malade, les pères et les mères sentirent s'apaiser par degrés leur rancune et se montrèrent moins rogues. Mais on se garda à carreau tout de même dans le petit monde des gosses. Le samedi, comme Bacaillé était sorti, la tension diminua encore. On leur permit de jouer dans la cour, et ils purent, au cours des parties organisées, mêler aux expressions réglementaires du jeu quelques phrases relatives à leur situation. Phrases brèves, prudentes et à double entente, car ils se sentaient épiés. Le dimanche, un peu avant la messe, ils purent se réunir autour de l'abreuvoir et causer enfin de leurs affaires. Ils virent passer, tenant son père par la main, Bacaillé, entièrement remis et plus narquois que jamais dans ses habits appropriés. Après vêpres, ils crurent habiles et prudents de rentrer avant qu'on les y invitât. Bien leur en prit en effet, car ce dernier trait désarma tout à fait les parents et le maître, si bien que le lundi, on les laissa libres de jouer et de bavarder comme avant la sauce, ce qu'ils ne manquèrent pas de faire à 4 heures, loin des oreilles inquisitoriales et des regards mal intentionnés. Mais le mardi, tous eurent une grosse émotion. Grangibus arriva à l'école avec son frère, et Gambette lui aussi descendit de la côte avant 8 heures. Il apportait au père Simon un chiffon de papier graisseux plié en 4, que l'autre ouvrit et sur lequel il lut. « Monsieur le maître, je vous envoie ces 2 mots pour vous dire que j'ai gardé Léon à la maison à cause de mes rhumatismes pour arranger les bêtes. » Jean-Baptiste Cassard. C'était Gambette qui avait rédigé le billet, et Grangibus qui l'avait signé pour le père de l'absent, afin que les 2 écritures ne se ressemblassent point. Il passa haut la main. La chose, d'ailleurs, n'inquiétait pas les guerriers. Gambette, on le savait, était souvent retenu à la maison. Mais si Gambette revenait avec Grangibus, c'est qu'il avait trouvé la cabane des Vellerans et repris le trésor. Les yeux de Lebrac flamboyaient comme ceux d'un loup. Les camarades n'étaient pas moins intéressés. Ah, comme elle était oubliée la pile de l'avant-dernier dimanche, et comme les promesses et les serments arrachés de force à leurs lèvres pesaient peu à leurs âmes de 12 ans. « Ça y est-y » interrogea-t-il. « Oui, ça y est !» fit Gambette. Lebrac faillit pâlir et tomber. Il ravala sa salive. Tintin, Lacric, Boulot avaient entendu la demande et la réponse. Eux aussi étaient pâles. Lebrac décida. « Faudra se réunir ce soir. »« Oui, à 4 heures, à la carrière à Peupiou. Tant pis si on est chopé. » « On s'arrangera !» exposa la crique. « Pour jouer à la cachette, on filera chacun par un chemin de ce côté-là sans rien dire à personne. » « Entendu !» C'était un soir gris et sombre. La bise avait couru tout le jour, balayant la poussière des routes. Elle s'arrêtait un peu de souffler, un calme froid pesait sur les champs. Des nuages plombés, de gros nuages informes s'ébattaient à l'horizon. La neige n'était pas loin sans doute, mais aucun des chefs accourus à la carrière ne sentait la froidure. Ils avaient un brasier dans le cœur, une illumination dans le cerveau. « Où est-il ? » demanda Lebrac à Gambette. « Là-haut, à la nouvelle cache !» répondit l'autre. « Et tu sais, il a fait des petits !»« Ah !» Et comme Boulot, toujours bon dernier, arrivé, ils filèrent tous au triple galop vers leur abri provisoire, où Gambette extirpa de dessous un amas de planches et de clous, un sac énorme, rebondi, pétant de boutons, alourdi de toutes les munitions des guerriers de Vellran. Comment as-tu fait pour le trouver ? Tu as démoli leur cabane ! Leur cabane ! S'exclama Gambette. Cabane ! Peuh ! Pas une cabane ! Ils sont trop bêtes pour en bâtir une comme nous. Pas même un bacu, un petit machin, rien du tout, accouté contre un bout de rocher qu'on ne pouvait même pas voir. C'est à peine si on pouvait y entrer à genoux. Ah ! Oui, leur sable, leur trique, leur lance étaient empilés là-dedans. Et on a commencé par leur y casser tous l'un après l'autre. Tant qu'à force, on en avait mal aux genoux. Et le sac ? Mais je vous ai pas dit comment qu'on l'avait trouvé, leur bacu ? Ah, mes vieux, ce qu'on a eu du mal. Depuis 8 jours qu'on cherchait pour rien. Renchérit Grangibus. Ça commence à être embêtant, hein. Et devinez comment qu'on l'a trouvé? Je donne ma part au chat, pressa la crique. Et moi aussi, firent tous les autres, impatients. Non, vous devineriez jamais. Est-ce qu'on a eu de la veine de regarder en l'air? Oui, mes vieux, on avait déjà bien passé 4 ou 5 fois par là, quand sur un chêne, un peu plus loin, on a vu une boule d'écureuil et Grangibus m'a dit « Je ne sais s'il est dedans, sais-tu monter voir comme c'est ?» Alors, j'ai pris entre mes dents un petit bâton pour fourgonner, parce que s'il avait été dedans, quand j'aurais mis la main, il aurait pu me mordre les doigts. Je monte, j'arrive, je tape, et qu'est-ce que je trouve? Le sac? Mais non, rien du tout! Alors je fous la boule en bas, et alors en regardant, c'est là que dans un contrebas, un peu plus du côté de Bise, j'ai vu le bas-cul de ces cochons de Vélran. Ah, j'ai bientôt été en bas. Quand j'ai bu, je croyais que l'écureuil m'avait mordu et que je dégringolais de frousse. Et quand il m'a vu courir, il s'est douté tout de suite qu'il y avait du nouveau. Et c'est alors que nous avons fichu leur cambuse à sac. Les boutons étaient au fond, sous une grosse pierre. On y voyait presque pas clair, je les ai trouvés en tâtant. Ah, ce qu'on était contents! Mais vous savez, c'est pas tout. Avant de partir, je me suis déculottée au fond de leur cabane. J'ai rebouché avec la pierre. On a bien remis tous les morceaux de sabre et de lance comme ils étaient, et quand ils iront mettre la main sous la pierre, ils sentiront comment il est fait maintenant leur trésor. J'ai-t-il bien travaillé? On serra la main de Gambette, on lui tapa sur le ventre, on lui ficha des coups de poing dans le dos pour le féliciter comme il convenait. « Alors ? » reprit-il, interrompant le concert de louanges qu'on lui décernait. « Alors vous, vous avez reçu la pile ? » ?»« Ah mon vieux, ce qu'ils nous ont passé ! Et le noir a dit ?» ajouta le braque, « que je ferai encore pas de première communion cette année, rapport à la culotte de Saint-Joseph, mais je m'en fous. Tout de même, des parents comme les nôtres, c'est pas rigolo. Ils sont charognes au fond, tout comme si eux, ils n'en avaient pas fait autant. » Et dire qu'ils se figurent maintenant qu'ils nous ont bien tanné la peau, que tout est passé, qu'on ne changera plus à recommencer. Non mais des fois, est-ce qu'ils nous prennent pour des cons? Ah, ils auraient beau dire, sitôt qu'ils auraient un peu oublié, on les retrouvera les autres. Fit le braque, on recommence. Oh, ajouta-t-il, je sais bien qu'il y a quelques froussards qui reviendront pas, mais vous tous, vous, sûrement vous reviendrez. Et ben d'autres encore, et quand je devrais être tout seul, moi, je reviendrai et je leur y dirai au Vélran que je les emmerde, et que c'est rien que des peines-cues et que des vaches sans les ouer, je leur y dirai. On y sera aussi, nous autres. On y sera sûrement, et flûte pour les vieux. Comme si on ne savait pas ce qu'ils ont fait aussi quand ils étaient jeunes. Après souper, ils nous envoient au plumard, et eux, entre voisins, ils se mettent à blaguer, à jouer à la bête ombrée, à casser des noix, à manger de la cancoyotte, à boire des litres, à licher des gouttes, et ils se racontent leur tour du vieux temps. Parce qu'on ferme les yeux, ils se figurent qu'on dort, et ils en disent, et on écoute, et ils savent pas qu'on sait tout. Moi, j'ai entendu mon père, un soir de l'hiver passé, qui racontait aux autres comment il s'y prenait quand il allait voir ma mère. Il entrait par l'écurie, croyez-vous. Et il attendait que les vieux aillent au lit pour aller coucher avec elle. Mais un soir, mon grand-père a bien manqué de le pincer en venant clairer les bêtes. Le paternel, il s'était caché sous la crèche devant les naseaux des bœufs qui lui soufflaient au nez, et il était pas fier aller. Le vieux s'est amené avec sa lanterne tout bonnement et s'est tourné par hasard de son côté comme s'il le regardait, même que mon père se demandait s'il n'allait pas lui sauter dessus. Mais pas du tout, le pépé n'y songeait guère. Il s'est déboutonné, puis s'est mis à pisser tranquillement, et mon père disait qu'il n'en finissait pas de secouer son outil et qu'il trouvait le temps bougrement long parce que ça le piquait à la gargote. Et qu'il avait peur de tousser. Alors, sitôt que le grand-papa était parti, il a pu se redresser et reprendre son souffle. Et un quart d'heure après, il était pieuté avec ma mère à la chambre haute. Voilà ce qu'il faisait. Est-ce qu'on n'a jamais fait des trucs comme ça, nous autres? Hein, je vous le demande. C'est à peine si on embrasse de temps en temps nos bonnes amies quand on leur donne un pain d'épices ou une orange. Et pour un sale traître et voleur qu'on foie un tout petit peu, ils font des chichis et des histoires comme si un bœuf était crevé. Mais c'est pas ça qui empêchera qu'on fasse son devoir. Tout de même, bon Dieu, qui a pitié aux enfants d'avoir des pères et mères. Un long silence suivit cette réflexion. Le braque recachait le trésor jusqu'au jour de la nouvelle déclaration de guerre. Chacun songeait à sa fessée, et comme on redescendait entre les buissons de la saute, la crique, très émue, plein de la mélancolie de la neige prochaine et peut-être aussi du pressentiment des illusions perdues, laissa tomber ces mots. « Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux !» Fin de la guerre des boutons de Louis Pergaud.